Les personnalités de divers pays exaltent vivement le président Kim Il-sung. Dans les messages et lettres de félicitations envoyés à l'occasion de la Journée du Soleil, le président de l'Association d'amitié Grande-Bretagne-Corée et de l'Association d'amitié Danemark-République populaire démocratique de Corée, le secrétaire général du Rassemblement populaire arc-en-ciel de Guinée, le chef du groupe russe pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et le président de l'Association d'études Tutsi du Pakistan ont indiqué que Kim Il-sung est le grand leader qui a consacré toute sa vie à édifier un monde juste et équitable basé sur l'idée d'indépendance et le socialisme. Et ils ont exalté ses exploits immortels pour la prospérité de la Corée socialiste, le bonheur du peuple et l'émancipation du monde.